Chapitre 2e. À 23 ans, en 1800 et quelques, Étienne Enguerrand, Pierre de Thau, duc de Carlepont, s'était trouvé maître d'une fortune qui passait pour l'une des plus considérables de la vieille noblesse française. Son père, Henri-Jacques de Thau, venait de mourir subitement d'une chute de cheval qu'il avait faite en suivant une chasse à cour menée par son Altesse royale, Monseigneur le comte d'Artois, dans la forêt de Rambouillet. Le jeune duc portait l'épée et servait dans un régiment de cavalerie qui tenait garnison à Limoges. On le vit dès lors plus souvent à Paris que dans les rangs de son escadron. La discipline militaire ne plaisait pas à ce tempérament fougueux, à ce caractère mobile qui avait horreur de la règle. Dès sa plus tendre jeunesse, le nouveau duc de Carlepont avait fait voir qu'il était de ces hommes qui prennent résolument à travers bois, par mépris des sentiers. Le nouveau et l'inconnu l'attiraient. Madame de Thau, sa mère, était morte depuis un longtemps déjà. Capitaine à un âge où les élèves de Saint-Cyr et de Saumur entrent dans l'armée avec l'épaulette de sous-lieutenant, Pierre donna sa démission pour le seul plaisir de changer de carrière et passa dans la diplomatie. Son nom et sa fortune le promettaient aux ambassades, mais l'important était qu'il ne quittait pas les chancelleries, et c'est à quoi il lui fut impossible de se résoudre. Quelque temps, il battit l'Europe, allant de Lisbonne à Berlin et de Naples à Madrid. Pierre était le bienvenu partout. Nul n'avait plus que lui l'art de plaire à première vue et de se rendre aimable, mais il ne tenait en place nulle part. Son premier mot, lorsqu'il entrait dans une capitale, était un cri de joie. Il n'avait jamais rien vu de plus beau. C'était là qu'il voulait vivre et mourir. Comment se pourrait-il qu'il eût un jour la pensée d'abandonner des lieux si charmants après que la fortune amie avait eu la complaisance de lui conduire par la main? Naples devait avoir son tombeau. Naples ne l'eut point, non plus que Vienne et Saint-Pétersbourg. Avec cette humeur changeante qui le poussait à se dégoûter des choses plus promptement encore qu'il ne les avait désirées, Pierre possédait un goût particulier pour les entreprises extravagantes. Les plus folles étaient celles qui le séduisaient le plus. Cet amour trouva aisément à se satisfaire dans les villes bruyantes qu'il traversa à la diable durant une demi-douzaine d'années, et M. de Carlepont se jeta maintes fois dans des aventures dont il eut quelque peine à se tirer. Malgré l'appui de ses richesses et le secours d'une bravoure qui ne redoutait rien, il en revint souvent comme leur ami de la fable, un peu meurtri, un peu désenchanté, la bourse vide et le cœur blessé, mais rien ne le guérissait, et il n'avait pas plutôt rempli l'une et radoubé l'autre qu'il souhaitait de retourner à la charge. C'était son plaisir, bien qu'il ne comprît pas lui-même quel profit il tirait de ses expéditions. Monsieur de Carlepont avait eu à diverses reprises affaire à des personnes maussades qui ne prenaient pas son goût pour les aventures du côté plaisant. Il avait dû dégainer en 20 occasions. Une rencontre qui fit grand bruit à Constantinople, et où le bon droit n'était pas tout entier de son côté, le détermina à quitter la diplomatie comme il avait quitté l'armée. Il en garda une rancune invétérée contre les Turcs, ce qui l'engagea plus tard à se ranger sous les drapeaux de l'insurrection lorsque Canaris et ses matelots eurent fantaisie de ressusciter la nationalité grecque. Il entrevit Lord Byron et se trouva au siège de Missolonghi. Il sorta de cette guerre avec 3 blessures et une adresse sans égale dans le tir du pistolet et du fusil. À cette époque, il tuait des Albanais à pleine course et à balles franches, comme d'autres tuent des perdreaux à petit plomb. Un vol qui fut commis dans sa tente le guérit de son amour pour l'indépendance des fils d'Achille. Il convient d'ajouter que la guerre durait depuis longtemps et que le duc ne trouvait plus aucune satisfaction à jeter à bas de leurs chevaux les Arnautes d'Ibrahim. Un soir qu'il s'ennuyait à Patras, il se prit de querelle avec un Anglais qui combattait pour la cause sacrée des Hélènes. Il coupa le visage de l'Anglais qui lui trouva l'épaule, traversa au galop et par bravade les lignes turques, s'embarqua après cette dernière folie sur un méchant bateau dont il força le patron, le pistolet au poing, à rallier une corvette qu'il nous voyait dans la haute mer et s'en alla à Jérusalem. On n'a jamais bien su quel hasard le conduisit aux Indes. Comme certains chasseurs, le duc aimait souvent à piquer droit devant lui sans savoir où il arriverait. Mais ce qu'on peut supposer, c'est que sa querelle avec l'Anglais de Patras ne fut pas étrangère à la résolution qu'il prit de s'enrôler dans les bandes qu'un prince du Nizam lançait à cette époque contre les soldats de l'honorable compagnie. Cette guerre de surprise plaisait à son tempérament. On ne dormait pas une nuit tranquille. On mangeait le riz à cheval. On poursuivait des hommes et on rencontrait quelquefois des tigres. Les émotions ne chômaient pas. C'était la seule époque de sa vie que M. de Carlepont saluait d'un soupir quand il y pensait. Malheureusement, dans une circonstance où la poudre ne parlait pas, Pierre manqua de respect à une vache sacrée qu'on promenait en grande pompe. Il n'eut que le temps de sauter sur un cheval et de fuir au galop. Cette course au clocher dans les jungles avec la perspective de servir au souper d'une bête sauvage ne lui parut pas une chose désagréable. La Providence, qui vient au secours des imprudents, protégea M. de Carlepont et lui permit d'atteindre Pondichéry, d'où il passa dans l'archipel de la Sonde. C'est là que la chronique de ses aventures place son mariage avec une princesse couleur de bronze qui régnait sur 300 lieues de cocotiers et portait des boucles d'oreilles dans les narines. Mais M. de Carlepont n'attacha jamais une grande importance à ce détail de sa vie intime. On comprend qu'on ne traverse pas ainsi deux continents sans laisser un peu de sa toison aux épines du hasard. En outre, les mains de Pierre étaient trouées. À 30 ans, il avait gaspillé près de 3 millions. « Mais voyez, disait-il, je ne suis pas marié. » Le célibat lui paraissait une compensation. La fortune, qui s'obstinait à l'empêcher de sombrer, suscitait en son chemin des héritages qui rétablissaient l'équilibre et lui permettaient de dépenser sans compter. Un jour, c'était un oncle, le lendemain, une tante, puis un cousin. C'était à croire qu'il y avait pour ce prodigue provision de parents mis en réserve par un bon génie. Cette intervention de la Providence, qui mettait M. de Carlepont sous l'égide dorée des successions, le maintenait dans les folles dispositions qui avaient marqué les commencements de sa vie. Ceux qui le connaissaient le mieux affirmaient que le duc ne changerait jamais. Ce fut pendant ses campagnes en Orient que Pierre fit la rencontre de M. de Bléré, qui voyageait en chasseur. Il eut même occasion de rendre à ce gentilhomme un service important. Le cœur du Breton était pareil à ces terres vigoureuses et saines où le gland qu'on y dépose se transforme en chêne. La reconnaissance y poussa de telles racines qu'elle s'y maintint chaude et vivace, malgré les assauts du temps et de l'absence et les 1000 chocs de la vie. Ce n'est pas que M. de Bléré n'eut pas une parfaite connaissance du caractère de M. de Carlepont, et ils avaient maille à partir sur maints sujets à propos desquels ils ne s'entendaient pas. Mais les plus grandes querelles ne les brouillèrent jamais. Ils vécurent ensemble, à travers champs, sur le pied d'un mentor de 30 ans, gourmandant un Télémaque à peu près du même âge. Et peu soucieux l'un et l'autre de rencontrer une Ithaque où ils puissent avoir tout loisir de se reposer, Pénélope et ses aiguilles avaient toujours fait horreur au jeune duc. M. de Bléré n'était pas bien sûr que le cerveau de M. de Carlepont renfermât quelque chose de solide sur quoi la raison put un jour bâtir. Mais le duc ayant en somme le cœur honnête et bon, cela lui suffisait. Quelquefois cependant, à la suite de longues conversations, durant lesquelles son compagnon faisait voir une connaissance exquise des hommes et des choses, éprouvait nettement qu'il n'avait point traversé sans profit un si grand nombre de peuples et de contrées, le Breton le regardait tout étonné. « Ce diable d'homme a des éclairs, disait-il, on dirait un propriétaire qui a des trésors cachés dans sa maison. De temps à autre, le hasard lui en fait découvrir des parcelles. » Le malheur était que M. de Carlepont ne faisait point usage de ses découvertes. Lorsque le duc reparut en France, il y rapporta une collection abondante de portraits qu'il avait crayonnés, chemin faisant, d'après des modèles féminins de diverses couleurs et de plus une réputation bien assise de dissipateur et de maître fou. On le savait riche et on usait de sa prodigalité, mais les personnes qui avaient recours à sa bourse, et le nombre en était grand, obéissaient à ce sentiment propre à l'espèce humaine qui engage les gens à profiter des défauts d'autrui, tout en faisant l'économie d'une vertu. On prenait son temps, son argent, ses bons offices, et on ne lui savait point gré de sa générosité. Il gaspillait tout cela si volontiers. Pendant le rapide séjour qu'il fit à Paris, après son excursion dans les îles de l'archipel indien, le hasard le mit en relation avec un aimable jeune homme qui avait nom Paul de Cipierre et qui appartenait à une bonne famille de l'Ouest. Monsieur de Cipierre avait de grands yeux tristes et le sourire gai. Quand on le regardait un peu attentivement, son visage faisait l'effet d'une chanson dont un auteur fantasque aurait appliqué les paroles joyeuses sur un air mélancolique. On voyait clairement que Monsieur de Cipierre était né pour être heureux. Le bonheur était son lot. Une méchante fée avait voulu qu'il mentît à sa destinée. Personne, à certaines heures, n'avait de regard plus désolé. Cela navrait et en même temps commandait la sympathie. On ne lui connaissait nul sujet de chagrin. Il fallait qu'il eût une hydre au fond du cœur. Monsieur de Carlepont, qui ne croyait pas aux blessures éternelles, entraîna Monsieur de Cipierre dans son tourbillon. C'était sa foi que rien ne résiste au bruit et au mouvement. On devine aisément quelle existence mena ce jeune homme en telle compagnie. Il n'eut plus conscience ni des jours ni des nuits. Mais aux heures les plus extravagantes de sa vie, Monsieur de Cipierre avait une façon telle de passer la main sur son front et de poser tout à coup son verre plein sous la table que des larmes venaient aux yeux des personnes les plus endurcies. De charmantes personnes ne lui ménageaient pas les consolations, rien n'y faisait. Un matin, sur le boulevard, après un souper, quelques mots dits à la hâte et d'une voix nerveuse donnèrent à penser à M. de Carlepont que M. de Cipierre était amoureux. « Bon, se dit-il, si ce n'est que cela, je le guérirai. » Au mois d'avril 1830 et quelques, on apprit par les journaux qu'une compagnie d'enragés chasseurs, parmi lesquels se trouvaient M. de Carlepont, M. de Cipierre et M. de Bléret, venaient de passer en Algérie dans le but de livrer bataille aux panthères et aux lions. C'était de la philanthropie cynégétique. On escarmoucha contre ces terribles animaux, on en tua même quelques-uns, mais les sangliers eurent plus à souffrir de cette entreprise que les fauves de l'Atlas. M. de Cipierre, qu'on voyait toujours à cheval, se lançait le premier dans les marais et les maquis. M. de Carlepont était dans le ravissement. À la suite d'un beau coup, il frappait sur l'épaule du jeune chasseur. « Hein ? » disait-il, « il me semble que ça va mieux. »« Ça va bien, » répondit M. de Cipierre. Une femme n'eût pas été contente de l'expression de ses yeux, mais un homme ne regarde pas si au fond. Si le hasard avait commencé les relations de M. de Carlepont et de M. de Cipierre, l'amour-propre et la sympathie en resserrèrent les nœuds. Le duc s'était juré à lui-même de rendre son compagnon à la gaieté et à la jeunesse, et il ne voulait pas que le sort donnât un démenti à la promesse qu'il s'était faite. De plus, il se trouvait en présence d'un jeune homme dont le caractère doux et l'humeur aimable lui plaisaient. « Je l'ai vu en face d'un lion que plusieurs balles avaient taquiné, » disait-il, « et le brave garçon n'a pas sourcillé. » C'était donc, et pour la première fois, un but défini que M. de Carlepont poursuivait. Il se réjouissait en esprit à la pensée de ramener M. de Cipierre, beau et souriant, sur les boulevards de Paris. Il lui semblait qu'il n'aurait pas perdu son temps. Dès cette époque, l'idée d'une thébaïde, dans laquelle il s'enfermerait avec ses deux amis d'élection, l'un son frère d'armes, l'autre son élève, lui traversa l'imagination. On aurait un blockhaus sur la limite du désert, et on y vivrait à la manière de bas de cuir, moitié chasseur, moitié guerrier. Quand on aurait assez tué de bédouins et de panthères, on passerait les vacances à l'opéra. « Et le diable ne sera pas notre cousin ?» ajouta-t-il en frappant sur l'épaule de M. de Cipierre qui ne répondait pas. Un jour, la bande dont M. de Carlepont était devenu le chef, tout naturellement, chassait dans les massifs de Staweli. Le fourré des lentisques, des palmiers nains, des myrtes, retentissait du bruit terrible que faisaient les chiens, les cavaliers et les animaux. Une troupe d'Arabes battait les buissons. Les chasseurs dispersés poursuivaient les sangliers dans toutes les directions. Une laie, attaquée par le duc, filait du côté d'un ruisseau bordé de lauriers roses. « Taillot ! Taillot ! » criait M. de Carlepont d'une voix qui faisait partir des nuées de bécassines et de sarcelles. En ce moment, M. de Cipierre, qui galopait auprès de lui, tira de ses fontes un beau pistolet à canon damasquiné dont il arma la batterie. « C'est trop loin !» lui cria M. de Carlepont, tandis que la laie sautait dans l'eau. « Oh bah !» répondit le jeune homme. « Un peu plus tôt, un peu plus tard, il faudra bien toujours en venir là !» Et tournant la bouche du pistolet vers son front, il lâcha le coup. Le cheval qui emportait le chasseur continua sa course. M. de Cipierre resta en selle quelques secondes, puis roula par terre. M. de Carlepont poussa un cri terrible. M. de Bléret, qui galopait non loin de là, accourut et sauta le cheval presque en même temps que le duc. M. de Cipierre n'était pas mort, mais n'en valait guère mieux. Il avait à la tête une plaie effroyable. On le coucha sur un tertre. M. de Carlepont et M. de Bléret échangeaient des regards effarés. Cependant, le blessé glissa la main dans son habit de chasse et en tira un papier plié en quatre. « Voilà, » dit-il en le passant au duc, « à présent vous comprendrez tout. » Monsieur de Carlepont ouvrit machinalement ce papier daté de la veille et signé. C'était une déclaration froide et laconique comme un procès-verbal, par laquelle Monsieur de Cipierre annonçait sa ferme résolution de se donner la mort. Un amour violent, dont il n'avait pu guérir malgré de longs efforts, lui déchirait le cœur. Vivre sans la femme dont on s'obstinait à lui refuser la main lui devenait chaque jour un plus dur supplice. Il s'en affranchissait. En somme, il pardonnait à ceux qui l'avaient conduit à cette redoutable extrémité. Monsieur de Cipierre poussait de sourds gémissements. D'une main convulsive, il arrachait des touffes d'herbe. On voyait qu'il souffrait horriblement. « Ah, c'est plus difficile que je ne le croyais !» dit-il. Deux Arabes, qu'on avait envoyés en toute hâte chercher des secours, arrivèrent avec un chirurgien qui suivait la chasse et deux ou trois cavaliers. Un domestique, expédié d'Alger à Franck Étrier, et qui était à la recherche de M. de Cipierre depuis une heure, les accompagnait. Il apportait une dépêche de France. À la vue de son maître couvert de sang, le domestique resta immobile, le pli à la main. M. de Cipierre le lui arracha avec une telle vivacité que le chirurgien eut un moment d'espoir. Le blessé tira la lettre de son enveloppe et la parcourut. Un éclair de joie illumina son visage bouleversé par les approches de la mort. On le vit porter le papier à ses lèvres et d'un mouvement brusque se soulever sur le coude. « Dieu bon !» dit-il, mais une pâleur livide se répandit sur ses traits. Il tomba sur l'herbe rouge et la lettre s'échappa de ses doigts. « Ah, trop tard !» murmura-t-il. Un voile était déjà sur ses yeux. Le chirurgien examina la plaie béante et secoua la tête. Une convulsion agita les membres du pauvre chasseur. Ses mains frappèrent le sol deux ou trois fois. Un dernier spasme le fit se roidir et il ne remua plus. Un silence funèbre avait accompagné cette agonie. Monsieur de Carlepont était d'une pâleur mortelle. Sans bien se rendre compte de ce qu'il faisait, il ramassa la lettre tachée de sang qui était à ses pieds. Elle était de Madame la Marquise de Cipierre et accordait enfin le consentement de la famille au mariage qui avait été le rêve du malheureux Paul. Le duc apprit ainsi que M. de Cipierre était épris d'une jeune fille qui n'avait point de naissance, bien que du côté de la fortune et de l'éducation elle fût son égale. La mère, qui un long temps s'était opposée à cette union avec une grande rigueur, cédait devant la constance de son fils et le faisait en des termes pleins de tendresse, où l'on sentait franchement l'aveu d'un tort et le désir du pardon. La lettre parcourut rapidement. M. de Carlepont la recommença, en quelque sorte écrasé par la violence et la spontanéité de cette catastrophe. C'était un épanchement, une confession. Chaque mot portait l'empreinte du repentir le plus sincère et le plus vif. Tout venait du cœur et parlait au cœur avec une ardeur et un élan qui ne pouvaient être surpassés. Ce cri d'une âme vaincue dans son orgueil et rendue à l'amour maternel, ce cri qui retentissait tout à coup auprès d'un cadavre, remua M. de Carlepont jusqu'aux entrailles. « Ah, pauvre femme » murmura-t-il. Au bas de cette lettre, toute remplie des meilleures espérances, il y avait quelques mots, tracés d'une écriture fine et déliée, où l'on voyait le tremblement d'une main agitée par le bonheur. « Venez vite, je vous aime et je vous attends. » C'était tout, mais n'était-ce point assez? Sous ces mots, point de signature. Que s'était-il passé dans l'âme du moribond lorsque ses yeux, déjà fatigués par les assauts de la mort, avaient pu lire cet appel de la vie? Quelle angoisse, quel tressaillement de tout son être ne l'avait-il pas déchiré? Quelle agonie désespérée au moment où le dernier frisson l'avait pris? Une larme parut sur la joie allée du duc. « Ah, il méritait mieux, » dit-il. Il y eut autour de ce corps d'où la chaleur s'échappait par degrés un instant de silence. Tous les fronts s'étaient découverts. Brusquement, M. de Carlepont releva la tête. « Faudra-t-il donc, reprit-il, que Mme de Cipierre apprenne comment son fils est sorti de la vie? Porterons-nous cet effroyable coup à cette âme ouverte à la pitié? Pensez-vous que cela soit possible? Et comment faire ? Répondit le chirurgien. « Un homme est mort, le corps est là, voici l'arme, tout est dit. »« Non, non, tout n'est pas dit. Il y a dans cette lettre des accents qui m'ont percé le cœur. La mère émue et repentante s'y montre tout entière. » La nouvelle de cette catastrophe, ce fils emporté par un suicide, le renverseront d'autant plus sûrement qu'elle a été plus longtemps inexorable. Il faut empêcher cela. On regarda M. de Carlepont. Son visage exprimait une sorte de résolution vaillante et farouche. Ce n'était plus le même homme qu'on avait vu sur le pavé de Paris dépensant son oisiveté en sottise et dans les Indes trompant l'activité de son tempérament par la guerre. Il y avait en lui quelque chose de doux et de fort, comme une transfiguration. « Qui nous empêche de supposer un duel ? » reprit-il avec autorité. « Un duel ? » s'écria-t-on. « Oui, M. de Cipierre était dans l'âge de ses folies. Une querelle est bientôt née entre chasseurs animés par la course, égayés par un déjeuner. Des mots imprudents ont été lancés. Un seul mot propre n'a pas permis de les retirer. J'en sais quelque chose, hélas. Des armes s'étant trouvées sous la main des interlocuteurs, une balle malheureusement est partie. Et voilà comment M. de Cipierre a été tué. Qui nous démentira lorsque nous donnerons notre parole que les choses se sont passées ainsi ? Et voyez, messieurs, le résultat. Une mère désolée sans doute, mais qui du moins ne subira pas la torture des plus implacables remords. Elle pourra pleurer librement, sans qu'une voix terrible, la voix de la conscience, lui crie incessamment « Ce fils, c'est toi, toi seul qui l'as tué. » Et nous hésiterions ? Mais, demanda l'un des chasseurs, quel sera l'antagoniste imaginaire de M. de Cipierre ? Moi, reprit le duc. « Y pensez-vous ? » s'écria M. de Bléret. « Oui, j'y pense, et je suis décidé. J'ai fait dans ma vie assez de sottes actions inutiles et assez souvent gaspillé le meilleur de moi en mille folies pour qu'il me soit permis, une fois en passant, d'attacher mon nom à quelque chose d'honnête et de généreux. Laissez-moi donc prendre la responsabilité de ce trépas. Madame de Cipierre va vous maudire, me direz-vous. Eh bien, Dieu ne l'entendra pas. Cette malédiction et une mère n'aura pas horreur d'elle-même. Qui sait même si cette malédiction ne rachètera pas quelqu'une des fautes de mon passé ? Cette main n'a-t-elle donc jamais fait couler le sang ? C'est peut-être une expiation où me pousse le doigt de Dieu. M. de Carlepont avait parfois de ces idées mystérieuses où l'on sentait comme le reflet d'une religion enseignée autrefois. Elle lui revenait par intervalles, comme remonte à la surface de l'eau des corps tout à coup arrachés des abîmes par une tempête. C'était par là qu'il était supérieur à d'autres qu'on croyait meilleurs que lui. L'élan du repentir ne monte-t-il pas plus haut quelquefois que la prière ? On ne lui connaissait pas, dans le groupe de désœuvrés au milieu desquels il parlait, cette chaleur et cet accent. On se tut, ceux-là regardant le duc, ceux-ci regardant le mort. « Ainsi, messieurs, continua gravement M. de Carlepont, voilà qui est convenu, c'est moi qui ai tué M. de Cipierre. » M. de Bléret serra silencieusement la main du duc et chacun s'inclina. On coucha le pauvre trépassé sur une civière et on reprit la route d'Alger. Le lendemain, une note parut dans le journal officiel ainsi conçue. Une rencontre amenée par un incident de chasse a eu lieu hier dans un ravin de Staweli entre M. Paul de Cipierre et M. le duc de Carlepont. Les deux adversaires, placés à 20 pas l'un de l'autre, ont fait feu au signal des témoins. M. de Cipierre, atteint la tête par la balle de M. le duc de Carlepont, n'a survécu que peu d'instants à sa blessure. M. de Bléret, le chirurgien et deux officiers présents à la mort de M. de Cipierre signèrent cette déclaration sur la vérité de laquelle il ne resta plus aucun doute. 8 jours après, M. de Carlepont quittait l'Afrique. Cet événement avait eu pour lui des conséquences morales qu'il ne prévoyait pas. Tout d'abord, un malaise indéfinissable le saisit. Il pensa à le secouer, mais la position qu'il avait acceptée ne lui permettait pas de recourir aux mêmes expédients qui, si longtemps, avait fait de lui l'homme le plus remuant de France. Il consentait bien à passer pour un duelliste, mais non pas pour un être cruel et froid qui lave dans les plaisirs le souvenir des rencontres où le sang a coulé. Ce sentiment le condamnait presque à une sorte de retraite. Ne pouvant agir, il réfléchit. M. de Carlepont avait dans la pensée le même mouvement et la même promptitude que dans l'action. Du premier coup, il allait presque au fond des choses. Les vérités qu'il eût dites à tout le monde, il n'hésitait pas à se les confesser à lui-même. La vie qu'il avait menée depuis la mort de M. de Thau, son père, était sotte de tout point. À quelle action un peu haute, à quelle entreprise généreuse avait-il attaché son nom ? Quelle noble résolution avait-il conçue ? Savait-il seulement quel but il poursuivait ? Fallait-il croire que les mois et les ans, dans leur cours monotone, ramèneraient toujours les mêmes puérilités ? Certes, M. de Carlepont avait lu dans bien des journaux le récit des combats auxquels il avait pris part autrefois en Orient, et les éloges ne lui avaient pas été ménagés. Il n'était pas, grâce à Dieu, assez dépourvu de sens pour attacher quelque importance à ces épisodes tapageurs d'une jeunesse inoccupée. L'oisiveté l'avait poussé vers la Grèce bien plus qu'une conviction. Un caprice l'en avait chassé. « Ah, que voilà bien le mobile d'un héros » pensa-t-il. Il ne jugea pas moins sévèrement son expédition dans les Indes. Il s'y était amusé, c'est vrai. Mais un homme vient-il au monde pour s'amuser seulement? Et la Providence ne lui avait-elle pas confié la gestion de sa grande fortune que pour le mince plaisir de faire la chasse aux habits rouges? À présent qu'il vivait au pied de la butte Montmartre et non plus sous l'ombre gigantesque de l'Himalaya, il reconnaissait que ces Anglais, si souvent chargés par lui en compagnie de cavaliers sikhs, valaient mieux que les princes cuivrés au profit de qui il ébréchait son sabre. Des escarmouches contre les Albanais et les Sipaïs, des duels à Constantinople et à Madrid, des galanteries un peu partout, des escapades d'écoliers sous toutes les latitudes, 1000 accidents inutiles, voilà ce qu'il entrevoyait dans un passé confus. Il ne parlait pas de son voyage dans les îles de l'archipel indien. Comme un mineur qui remue des monceaux de sable et de cailloux sans y découvrir une parcelle d'or, il avait traversé un grand nombre de pays et d'événements, coudoyé une multitude d'êtres humains, et au bout de tout ce tumulte, stérile comme le passage du vent dans le désert, il ne laissait derrière lui aucune semence féconde, rien qui permît que son nom fût un jour honoré et respecté. « Encore si j'avais vécu comme un fou !» se disait-il. « Mais non, j'ai pris la cocarde d'un imbécile !» Le plus clair de cette philosophie rétrospective, c'est que ce qui autrefois lui semblait bon, maintenant ne lui suffisait plus. Un temps s'écoula, le malaise augmenta. Paris ne parvenait pas à tirer le duc de son engourdissement. Les choses qui l'avaient le plus occupé jusqu'à présent lui paraissaient maussades. Un cheval n'était-il pas toujours pareil à un cheval? Quelquefois il était bai, quelquefois brun, mais en somme, plus ou moins vite, c'était une bête. Dans les réunions qu'il fréquentait le plus assidûment, on parlait toujours des mêmes personnes et des mêmes choses dans les mêmes termes. Ses amis, hôtes éternels des Champs-Élysées, lui produisaient l'effet de poupées assises sur des chevaux de bois et mises en branle par une manivelle. Il éprouvait un vague besoin de se rattacher à quelque chose, mais le difficile n'était pas de le penser, il fallait le pouvoir, peut-être surtout le vouloir. Sur ces entrefaites, la saison de la chasse arriva. M. de Bléret lui parla un matin de son prochain départ pour la Bretagne. Une idée traversa l'esprit de M. de Carlepont. « Faisons mieux, » dit-il, « j'ai quelque part dans le Maine une masure autour de laquelle s'étendent force bois. Je n'y suis point allé depuis nombre d'années. Il se peut que cela soit plein de gibier. Nous y gagnerons de n'y connaître personne. Vous plaît-il d'y passer quelques jours ou quelques mois ? Nous camperons comme dans une auberge. Partons, » répondit M. de Bléret.